Marly par Alexandre de Lavergne. Un jour, Louis XIV, qui avait abandonné le château mélancolique de Saint-Germain pour le splendide palais de Versailles, les fraîches illusions du jeune âge pour les rêves ambitieux de l'âge mûr et la tendre lavalière pour la fière Montespan, commença à se lasser de la foule et du bruit et à se persuader, comme dit Saint-Simon, qu'il voulait quelquefois de la solitude. Les bâtiments aux lignes pures et colossales, des vastes jardins tirés au cordeau où s'agitait sans cesse un peuple de courtisans, de pages et de valets, avaient perdu pour lui une grande partie de leurs attraits depuis que la belle Athénaïs de Mortemart avait cessé de les animer de sa présence. Il fallait à l'amant de Madame de Maintenon un horizon plus resserré, où le jour éclatant pût dissimuler les rides, des retraites plus mystérieuses dont un petit nombre d'élus eut seul le droit d'approcher. Le jour où, pour la première fois, le grand roi s'éveilla l'esprit rempli de ses pensées, la fierté habituelle de son front fut tempérée par une légère teinte de tristesse. Ce jour-là, la chasse aux cerfs fut contremandée, et contre sa coutume, Louis XIV monta seul dans son carrosse, sans qu'on vît à l'accompagner une seule de ces belles dames demeurer jusqu'à la fin de sa vie son escorte ordinaire. Suivi de quelques-uns de ses familiers, il partit après avoir donné l'ordre de diriger la promenade du côté le plus solitaire des environs de Paris. Le carrosse s'arrêta sur les riants coteaux de Lucienne et le roi mit pied à terre. L'un de ses courtisans, instruit sans doute du but de cette promenade, s'approcha de lui. « Sire, lui dit-il respectueusement, votre majesté ne saurait choisir un site plus agréable pour y faire bâtir un palais. »« Il est vrai, répondit le roi, mais ce n'est pas là ce qu'il me faut. » J'ai déjà trop dépensé en bâtiments, et il y aurait dans cette heureuse situation de quoi me ruiner. Avançons, messieurs. Voyez-vous, d'ici, ce ballon avec ce petit village sur le penchant de la colline? Écoutez, quel silence! Comme la vie doit s'écouler ici avec calme. Je sens que ce lieu me plairait. En ce moment, le soleil, qui s'était caché derrière un nuage, illumina de tout l'éclat de ses rayons l'humble cimetière du hameau, dont quelques pierres tumulaires et quelques croix noires, éparses, çà et là, et tranchant sur les verts gazons, révélait l'emplacement. À cette vue, le roi inclina la tête et tomba dans une profonde rêverie. Était-ce un présage d'en haut qui lui annonçait qu'un jour, dans ce même lieu, témoin de tous les désastres qui épouvantèrent la fin de son règne, il verrait sécher et tomber un à un les rameaux de sa royale postérité, vieillard, condamné à ensevelir sa race? Le silence, causé par cet incident, aurait peut-être duré longtemps encore, si l'un des seigneurs de sa suite, plus hardi que les autres, ne l'eût interrompu pour chercher à dissuader le roi d'un projet qui semblait de reste encore peu arrêté. « Sire, dit ce seigneur, votre majesté n'a pas remarqué, sans doute, combien ce ballon est étroit et sans vue, à cause de toutes les collines qui l'entourent. Les abords en sont si escarpés et si marécageux qu'il sera difficile d'y parvenir. C'est justement ce qui fait son mérite. » reprit vivement Louis XIV. Je veux un endroit où il ne soit possible de bâtir qu'un simple ermitage, où je viendrai quelquefois oublier le monde et la cour. Un rien me suffit. Comment nomme-t-on ce village? Sire, Marly. Eh bien, messieurs, nous viendrons deux ou trois fois l'année faire une retraite à Marly pour expier nos péchés. Le soir même, en rentrant de sa promenade, le roi envoya chercher Mansart et lui ordonna de se mettre immédiatement à l'œuvre pour construire son ermitage. Cet ermitage, ce rien, coûta plus d'un milliard. Un milliard, pour embellir ce que Saint-Simon appelle dans son langage énergique un repère de serpents, de crapauds et de grenouilles, réceptacle de toutes les voiries des environs, c'est beaucoup, en vérité. Toutefois, n'en déplaise au fier gentilhomme, qui probablement avait eu à supporter à Marly quelques royales rebuffades, il est fort douteux que les monceaux d'or dépensés par Louis XIV dans ce cloaque eussent pu en faire l'un des sites les plus pittoresques des environs de Paris, si la nature ne fût venue en aide au grand roi. Saint-Simon, qui voyait représenter les opéras de Quinault, ne s'est pas aperçu de cette occasion qu'il attribua à Louis XIV la prestigieuse baguette d'Armide. Lorsqu'après avoir gravi la côte de Marly, entre cette double rangée d'ormes séculaires, magnifique avenue qui a vu passer tant d'illustrations du grand siècle, dans leurs carrosses étincelants de dorures, et où les pavés aujourd'hui disparaissent sous l'herbe, vous vous trouvez en face du bel abreuvoir de marbre, seule ruine assez complète pour laisser deviner la splendeur de ce qui n'est plus. Vous pouvez, si la fantaisie vous en prend, reconstruire en imagination le triangle équilatéral dont cette ruine est le sommet. À gauche, la route de Versailles. À droite, le bourg de Marly, prolongé jusqu'au belvédère. Enfin, la base du triangle est bornée par cette belle forêt de Marly, expédiée un matin de Compiègne, il y a 150 ans, toute grande, toute fraîche et toute venue, comme quelques forêts enchantées de l'Arioste et du Tasse. Devant vous, en ligne droite, relevez les hautes terrasses, de distance en distance, placez des eaux jaillissantes, puis, comme une double haie de garde, les 12 pavillons devant lesquels il faut passer pour arriver au pavillon du roi. Au-delà, n'oubliez pas la grande gerbe, dont les jets atteignent 116 pieds de hauteur, et la rivière incessamment alimentée par les monstrueux réservoirs. Au centre du triangle, à droite et à gauche du pavillon royal, reconstruisez les salles des cent suisses et des gardes de la porte, les offices, les cuisines. Sur les côtés, alignez de nouveau les longues allées jumelles des ifs et des boules où Louis XIV aimait à se promener. Entremêlez le tout de statues, de bassins, de parterres, de cascades. Voilà Marly tel qu'il était au commencement du XVIIIe siècle. Marly, Saint-Simon nous l'a dit, c'est le séjour adopté par le grand roi dans sa vieillesse. C'est le théâtre où se passe le dernier acte de cette longue et brillante trilogie commencée à Saint-Germain, au dernier retentissement de la Fronde, continuée si fièrement au milieu des pompes de Versailles, et qui doit se dénouer d'une manière si lugubre dans cet étroit séjour. À Marly, Louis XIV cessa de trôner. À Marly, Louis XIV souffre qu'on oublie jusqu'à un certain point les règles sévères de l'étiquette, la seule science peut-être dont il ait retenu quelque chose, tant la reine, sa mère, a pris soin de lui inculquer. À Marly, les femmes sont dispensées du grand habit de cour et à la promenade, les hommes peuvent se couvrir la tête en accompagnant le roi. Dans cette résidence fortunée, Louis XIV admet que l'influence du soleil puisse être pernicieuse au cerveau de ses courtisans. Qui sait s'il ne souffrirait pas que son cocher le fît attendre une seconde? Aussi, quel honneur pour un courtisan d'être des marlis de sa majesté. Il n'y a guère que le collier de l'ordre et le bougeoir qui soient au-dessus d'une telle faveur. Il semble que, n'ayant pas assez de cordons et de charges à distribuer, Louis XIV ait inventé les voyages de Marly pour y suppléer. Il faut être de la première noblesse de France, ou, plus avant, dans les bonnes grâces de Mademoiselle Balbien, ex-servante de la veuve Scarron, pour oser aspirer à faire partie du petit cercle d'élus appelés à voir le roi face à face du matin au soir, 3 ou 4 jours durant. Que de femmes titrées se sont présentées toute leur vie sans obtenir cette faveur. Que de bons gentilshommes ont répété en vain, le plus humblement du monde, sur le passage de Louis XIV, ces deux mots consacrés, « Sire Marly », sans que le grand roi ait daigné sourire à leur requête. C'est qu'encore, il ne fallait pas se décourager, dit naïvement Saint-Simon. Le roi lui trouvait mauvais. Ces derniers mots résument toute l'époque. Le roi lui trouvait mauvais. Pauvre noblesse française, après les échafauds du cardinal Richelieu, les voyages de Marly, après l'âge du bourreau, le dédain et le mépris du roi. Une fois admis dans cette bienheureuse enceinte triangulaire, objet de tant d'ambitions, de vœux, d'intrigues, on goûtait les ineffables délices du lansquenet, du mail, de l'escarpolette. Et si le grand roi était de belle humeur, on allait avec lui donner à manger aux carpes du grand bassin. Puis, c'était pour les dames de continuelles loteries d'étoffes précieuses, d'argenterie, de joyaux. Malheureusement, il arrivait souvent qu'un père ou un mari laissait sur le tapis vert quelques milliers de louis en souvenir de son passage à Marly, car le roi aimait qu'on joue à gros jeux. Comment s'empêcher de lui faire ainsi sa cour? Plus d'une jeune fille de bonne maison est entrée au couvent parce que l'auteur de ses jours n'avait pas été heureux au lansquenet dans quelques marlis. C'est là que s'est réalisée cette inconcevable alliance d'une jeune princesse de 20 ans, pleine de gaieté, de caprices et d'étourderie, avec une favorite sexagénaire, pleine d'austérité et de dévotion. L'une vêtue de blanc et des fleurs dans ses cheveux, l'autre incessamment cachée sous de longs voiles noirs. L'une fredonnant des chants joyeux, l'autre murmurant tout bas des prières, toutes deux réunies dans un même but, celui de rendre plus léger un roi fatigué de toutes les grandeurs humaines, le poids d'une existence vide et désolée sur sa fin partant de revers. Durant 3 lustres entiers, de 1697 à 1712, Louis XIV s'est promené dans ses jardins de Marly entre ses deux femmes, la première l'entretenant de fêtes et de plaisirs, la seconde du salut de son âme, jusqu'à ce qu'un jour, on n'en vit plus qu'une seule à ses côtés, de ces deux anges gardiens de sa triste vieillesse, celui dont la voix était si pure et si douce, dont le visage était toujours animé d'un vrai sourire, celui-là s'était envolé inopinément vers le ciel, dont il ne parlait jamais. L'autre, qui en parlait toujours, était resté sur la terre, sans doute pour aider le roi à mourir. À partir de ce jour, on n'entendit plus retentir sous les ombrages de Marly que la voix qui murmurait des prières. À 2 années de distance, l'une de l'autre, les ducs de Bourgogne et de Berry sont morts à Marly, tous deux à la fleur de leur âge et d'un mal inconnu. 2 fois, le roi septuagénaire a entendu à son réveil des sanglots s'échapper du petit salon placé entre son appartement et celui de Madame de Maintenon. 2 fois, les portes de sa chambre se sont ouvertes avec une lugubre solennité et la favorite est apparue la première à son lever. Cette visite matinale signifiait « Sire, votre petit-fils est mort cette nuit ». Sans doute alors, Louis XIV se souvint que sur l'emplacement du château de Marly, il avait vu des croix noires et des pierres tumulaires. Il continua pourtant d'y venir jusqu'à la fin de ses jours, mais ses successeurs craignirent peut-être d'y rencontrer l'ombre de leur aïeul, car ils abandonnèrent une résidence à laquelle s'attachaient de si tristes souvenirs. Aujourd'hui même, que toutes les merveilles de l'art accumulées dans ce lieu de délices sont tombées sous le marteau des démolisseurs, aujourd'hui que le soc de la charrue a labouré tous ses riches parterres si savamment dessinés, aujourd'hui que les fleurs et les plantes les plus précieuses des 4 parties du monde ont fait place à la ronce et à l'ivraie, aujourd'hui qu'il reste à peine quelques rares vestiges, quelques pierres isolées de ce que les contemporains du grand roi appelaient la charmante et magnifique maison royale de Marly, il est doux encore de parcourir ces bois, ces vignes, ces prairies, auxquelles les 1000 accidents du terrain prêtent tant de charme. Ainsi s'achève Marly par Alexandre de Lavergne.